Antoine Dabrowski vient de me dire dans mon casque, il t'a dit, Jules, qu'il y avait 150 boîtes de thon en bas. Alors j'ai dit ah non, il ne m'a pas dit. Et il allait me raconter, mais je dis non, attendez que là, la lumière rouge qui est au centre de la table de ce studio s'allume pour que vous la racontiez à la planète entière. Bonjour, non, Jules. Bonjour, mais parce que c'est un petit peu particulier, parce que je suis venu depuis chez moi avec un diable à roulettes et 150 boîtes de thon à l'huile, quoi. Et en fait, c'est du très très bon thon. C'est du thon Sora de Sidi Daoud, et c'est mon oncle qui m'a demandé dans... En fait, c'est en Tunisie, et ce thon n'est livré qu'à Paris, en fait. Et lui, il habite dans le sud, et donc il m'a chargé, en fait, de le commander pour lui. Et donc j'amène ce thon dans le sud tout à l'heure, et je vais passer à la gare avec ses cartons défoncés écrits en arabe. Je vais essayer de passer les contrôles de sécurité de la SNCF. Alors, je récapitule. Vous avez commandé du thon en Tunisie qui vous a été livré à Paris et vous êtes venu à la radio avec vos 150 boîtes de thon parce qu'après vous partez dans le sud. Voilà, je ne repasse pas par la case maison. Vous habitez à côté de la radio pour arriver. Non, alors c'est très très lourd et on n'arrivait même pas à rentrer dans le coffre du taxi pour venir. Et je me fais les biscottos en même temps. Je pense que je vais manger quelques boîtes pour me refaire. Et en fait, vous allez dans le sud parce que demain, vous allez sur la croisette. Bah oui. Vous aimiez les vedettes. Je descends les marches en fait demain. Vous descendez les escaliers. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a eu ce recueil de dessins, le Da Vinci Digicode, qui est sorti un petit peu avant la croisade s'amuse. Et donc, on s'est dit que ce serait marrant d'organiser une signature du Da Vinci Digicode juste avant la projection du Da Vinci Code à Cannes. Et donc, on s'est mis en parasite juste devant le Palais des Festivals dans une brasserie. Et il va y avoir cette séance de dédicace-là. On espère que Tom Hanks, Tom Cruise et Salma Hayek vont venir. Je ne doute pas une seule seconde. Et je précise donc l'adresse où vous dédicacerez le Da Vinci Digicode. C'est au 17 boulevard de la Croisette. Quand je disais que vous aimiez les vedettes, les deux qui sont en couverture de la Croisette s'amuse, c'est George W. Bush, donc, qui a une auréole, et dans ses bras, il tient un bébé en mailloté qui porte déjà, malgré son très jeune âge, une barbe bien longue, c'est Ben Laden. Mais la star, au fond, de la Croisette s'amuse, ce n'est ni George W. ni Ben Laden, c'est Madame Ben Laden. Bah pour une fois, j'ai fait un album avec des personnages féminins qui sont assez importants. Parce que c'était pas à mon habitude, finalement. Et je me suis rendu compte que le meilleur moyen de parler du choc des civilisations et de cette confrontation entre l'axe du bien et l'axe du mal, c'était de prendre un peu un biais et puis de prendre une vision féminine. Alors, du côté de l'axe du bien, c'est Condoleezza Rice. On hésite à savoir si c'est vraiment une femme, parce qu'elle est assez... Pourquoi vous dites ça, hein? Parce qu'elle est assez asexuée, en fait, dans le livre. Bon, elle vit en osmose avec son piano. Elle a un grand piano à queue, comme ça, au milieu du bureau ovale de la Maison Blanche. Puis pendant qu'elle joue du Chopin, elle couvre de tapis de bombes des pays entiers. Et puis de l'autre côté, c'est effectivement le quotidien un petit peu plan-plan de l'axe du mal. Parce que voilà, les Ben Laden, ils vivent évidemment au Terroristan, vous l'avez dit tout à l'heure, dans cette grotte, dans un quartier un petit peu dans une banlieue de classe moyenne normale. Et elle s'embête un peu à la maison, fatalement, parce que son mari travaille énormément, il passe sa vie autour du monde. Alors elle élève ses enfants, elle est avec ses copines, elle va faire les courses aux galeries Alfayette. Bon, et puis aussi elle s'est dit, je vais tenir mon journal, parce que elle ne faisait que les mots croisés dans les magazines, elle s'embêtait un peu. Et puis un jour elle a lu, parce qu'elle est friande de Press People, elle a lu que Lady Di tenait son journal intime, elle a dit, je vais faire pareil. Et donc on rentre en fait dans le quotidien d'Axe du Mal. Par l'intimité de Madame Ben Laden. Voilà, par son journal intime, qui raconte un petit peu les heures banales de la vie d'Axe du Mal. Alors, ce qui est, comme vous parlez de la lecture de la Presse People par Madame Ben Laden, ce qui est l'un des plus grands plaisirs quand on lit le livre, ce sont tous les petits détails que l'on pense planquer. C'est-à-dire que, en général, quand on tient un livre ouvert, on le tient d'une seule façon, a priori. Sauf que là, il s'avère qu'avec La Croisade s'amuse, on le tourne dans tous les sens, parce que parfois, il y a des unes de journaux qui sont écrites à l'envers. Alors, on est là, et puis on lit la une de Gala, qui promet toutes les photos de la dernière césarienne de Madonna. Par exemple, la fille Ben Laden va à l'école Thierry Messon. Évidemment. Voilà, l'école primaire Thierry Messon, c'est une école bien réputée à Bagboul, évidemment. Alors, chez les Ben Laden, on comprend que le canari est une femelle parce qu'elle porte la burqa. Voilà, le canari, c'est la chatte de la maison. Tous les animaux portent la burqa, oui, c'est important. C'est important, tous ces petits détails-là, finalement, comme des bombinette. À vrai dire, moi je me souviens quand j'étais petit, je lisais des bandes dessinées, puis il y avait une BD que j'aimais bien qui s'appelait Yakari, en fait, l'histoire d'un petit indien. Et alors c'était chouette, Yakari, c'était bien dessiné, mais le problème c'était que Yakari, ça se lisait en 2 minutes montre en main. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes pages avec des paysages, c'était très beau, mais il y avait un sentiment de frustration intégrale à lire un Yakari, alors que par exemple dans Gottlieb, il y avait toujours des choses à regarder un peu partout. Et c'est un petit peu en me souvenant de ça que j'ai eu envie à la fois de faire une histoire qu'on suivait avec un suspense, des personnages. Donc à la rigueur, on peut lire l'album d'une traite comme ça, suivant la narration. Et puis on peut avoir une deuxième lecture justement en s'attardant sur tous les petits détails qui ponctuent l'histoire, bien qu'ils ne soient pas centraux, enfin ils donnent un genre d'atmosphère à l'ensemble. Alors les personnes que vous mettez en scène, ce sont évidemment de grands responsables entre guillemets internationaux, mais vous en faites des hommes comme tout le monde, et je voulais vous faire écouter la voix d'un dessinateur qui s'appelle Johan Sfar et qui lui aussi finalement n'aime pas les super-héros. Les monstres, c'est des créatures uniques, et je crois qu'on est chacun des créatures uniques. Et je préfère un monde où personne ne se ressemble, plutôt qu'avoir un monde où tout le monde est habillé pareil. Et c'est vrai que le cinéma américain, il me terrorise parce que les héros, ils ont tous la même gueule. Tu vois, un gros connard qui a jamais le rhume, qui couche avec les nanas les mieux du monde, qui a un yacht pour chaque jour de la semaine, et quand tu sors de cinéma, qu'est-ce que t'es ? T'es déprimé. Et moi, je crois que des histoires, ça sert pas à dire aux gens « Le monde des histoires est merveilleux, et dans votre réalité, vous êtes que des merdes, essayez de nous admirer. » C'est pas ça du tout. C'est pour ça que je mets des monstres qui sont pleins de caca et de morts dans mes histoires. Donc pas de super-héros, quoi. Si, il peut y avoir des super-héros, mais ils vont avoir des problèmes très quotidiens, c'est-à-dire que ils vont avoir des problèmes, le pressing leur a pas rendu leur collant comme il faut, donc ils vont être obligés de mettre un jogging, et pour aller à l'Assemblée Générale des super-héros en jogging, ils vont encore passer pour des couillons, et etc., etc. La voix de Johan Sfar, tandis que Jules est l'invité d'Éclectique jusqu'à 10h, alors vous ne faites pas des monstres pleins de caca et de morve dans vos histoires, c'est George W. Bush et Ben Laden, mais en tout cas, vous en faites des hommes du quotidien. Et à ce propos, j'aimerais que vous nous décriviez très précisément l'intérieur de monsieur et madame Ben Laden. Ah oui, parce que bon, c'est une grotte assez cosy, donc bon, il y a différentes pièces. Ils ont aussi une maison de campagne, en fait, dans laquelle la CIA va enquêter et trouver toutes sortes de choses, mais en gros, leur maison principale, c'est une maison un peu... Il y avait une chanson de Renaud, en fait, qui racontait l'intérieur de la mère d'un copain à lui, alors avec des éventails, corrida accrochés au mur, une télé, une vieille télé avec un petit napperon en dessous, bon, des porte-manteaux miteux, et puis des couleurs tout à fait 70s, et en fait, notamment, il y a une des cases où on voit... en fait, je me suis inspiré du décor de l'appartement de mon enfance où il y avait ces tabourets en plastique, là, comme ça, qui se démontent, en fait, en une seule pièce, qui forment un genre de cylindre. C'est assez difficile à décrire, mais tout le monde les connaît, ces tabourets. Ils ont des couleurs pas possibles. Et puis, le couvercle s'ouvre, et puis on peut ranger des trucs à l'intérieur. Donc, oui, c'est ça, hein, les Ben Laden. Lui, il fait ses courses chez Bricorama, parce que, bon, c'est les clous, c'est moins cher là-bas. Bon, c'est l'Anthrax, il y a des promos aussi au rayon bricolage. Voilà, on comprend. Pourquoi vous aviez envie d'en faire, justement, quelqu'un du quotidien comme ça? C'était quoi l'enjeu? Le truc, c'est que quand j'ai commencé à parler de ce projet que j'avais mis en place, de faire une BD sur cette espèce d'opposition binaire entre l'axe du bien et l'axe du mal, et de dire voilà, tout ça c'est du marketing, c'est un petit peu absurde, ça se passe autrement. On m'a dit, mais oui, on peut pas mettre dos à dos George Bush et Ben Laden, vous rendez pas compte. Et donc, moi je voulais faire attention vraiment à avoir une interprétation personnelle de tout ça. Et plutôt que reprendre un peu les espèces de clichés sur un George Bush qui ne serait que demeuré et tout puissant par l'intermédiaire de la CIA à travers le monde, et de l'autre côté, Ben Laden, antéchrist, vraiment incarnation du mal absolu. Bah justement, j'ai eu envie un peu de décaler ce truc, de sortir un peu la porte de ses gonds et puis de dire voilà, Ben Laden, il a des problèmes. Sa femme qui sort de sa chambre à 1h du matin en burqa, elle a une burqa rose en pilou avec marqué Sweet Dreams dessus pour dormir. Et puis elle dit enfin, bon, Ben, arrête de travailler, il est 1h du matin. Alors l'autre, il est en train de préparer, il a une map monde et puis le guide du routard du terroristan, comme ça, puis il prépare ses prochaines actions. Il y a des heures pour tout, 1h du matin pour l'obscurantisme, ça me paraît excessif. Parce qu'elle lui dit, oui, mais c'est aussi prendre totalement le contre-pied du traitement médiatique de Ben Laden. Mais oui, parce que d'une certaine façon, il y a un point commun aux différents épisodes de l'album, c'est que ça utilise massivement le torrent d'images médiatiques qu'on a reçu depuis le 11 septembre. Alors, à commencer par les tours, je reprends des scènes de tours du World Trade Center, mais aussi bien les images des otages qui ont été pris, qui ont été capturés en Irak, aussi bien les images de bombardements et d'assauts américains, et puis les prisons américaines aussi, où ils mènent toutes sortes de tortures contre leurs détenus. Dans la BD, la prison d'Abu Ghraib, ça se transforme en prison d'Abu Mérogis. C'est la prison modèle américaine avec une devise, c'est droit de l'homme et courtoisie. Bon. Et puis voilà. Et c'est-à-dire que ne plus être totalement passif face à cette espèce de mise en scène très manipulatrice finalement, puisqu'en tant que spectateur, voilà, quand il y a des choses horribles, on trouve ça horrible, quand il y a des choses effrayantes, quand il y a des choses enthousiasmantes, on vibre tous à l'unisson devant les télés, et puis d'une certaine façon, ça correspond pas à la réalité. Alors s'il y a un apron sous la télé des Ben Laden, George Bush, lui, porte un t-shirt sur lequel il est écrit « Le Texas ». C'est son sas.